Tu grandir, trop d'haine les gens tirent. Cherche pas, viens me voir. Si t'as un truc à me dire, tu m'aimes pas, peu m'importe. Je peux pas mettre tout le monde d'accord. Y'a des traîtres à bord, c'est ce qu'on me rapporte. Elle cherche le mini-mili, elle fait plus de guili-guili. Et le soir ça boit, à en faire des comas éthyliques. Les gars, dites-moi c'est qui lui. Ça fait deux fois qu'il fait le tour. Y'a plus de confiance dans le secteur. La jalousie joue des tours. On me dit lève pas ça mais l'œil. On me dit dédicace le charbon. On me dit tu rouleras la feuille. Et après le pétard n'est pas bon. Qui pleura devant mon cercueil. Qui sera content de ma mort. Qui fera la fête le jour de mon deuil. Va-t'en comme pitié ma mort. Même gratos l'album puis ta mort. Je respecte ta mère, j'aime la mienne. Je peux pas mettre tout le monde d'accord. J'vois les petits grandir. Trop de haine les gens durs. Cherche pas, viens me voir. Si t'as un truc à me dire. J'vois les petits grandir. Trop de haine les gens durs. Cherche pas, viens me voir. Si t'as un truc à me dire. Tu m'aimes pas, peu m'importe. J'peux pas mettre tout le monde d'accord. Y'a des traîtres à bord. C'est ce qu'on me rapporte. Toujours mon survêtement, mes Nike, ils m'ont dégradé. J'suis toujours surveille quand j'fume des gros bangers. T'as des lunettes de cible, photo, on t'a cramé. Beaucoup pris pour cible, mais c'est rien, j'vais leur montrer. J'me sens seul, mais t'inquiète, ça va. Marseille, c'est la guerre, ça rate. Que des gros cambus, des capas. Méfie-toi du petit capas. Mais ton terre-terre pour les mecs capables. Le 1-3, c'est devenu idéine. Hiro des putas, moi j'viens de la base. Quand Pablo j'fume des joints, j'sniffe pas des lignes. J'vois les petits grandir, trop de haine les gens durs. Cherche pas, viens me voir. Si t'as un truc à me dire. J'vois les petits grandir, trop de haine les gens durs. Cherche pas, viens me voir. Si t'as un truc à me dire. Tu m'aimes pas, peu m'importe. J'peux pas mettre tout le monde d'accord. Y'a des traîtres à bord, c'est ce qu'on me rapporte. J'vois les petits grandir, trop de haine les gens durs. Cherche pas, viens me voir. Si t'as un truc à me dire. J'vois les petits grandir, trop de haine les gens durs. Cherche pas, viens me voir. Si t'as un truc à me dire. Tu m'aimes pas, peu m'importe.